Chers frères et sœurs, nous t'y allons bien, parce qu'il y a quand même trouvé, il y a bien enregistré, loin de là qui nous pourra amener comme une réfutation pour qu'on t'aime bien. En la loi digne, il reste en la loi digne, le sujet finit soulevé, nous l'a pour expliquer. Parce que si je ne peux pas expliquer tout ce qu'il y a aujourd'hui, quand nous rejoignons, c'est notre lundi, mais nous pouvons prendre lundi pour expliquer ça. Donc nous amener dans lundi qui nous finit joindre, pas mettre les mots chauds à un côté, être neutre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, être sur ces créatures qui appliquent au temps, qui tout, tout. Ou qu'a pas trouvé Jibril alayhi salam, ou qu'a trouvé l'échelle, ou qu'a trouvé la terre, ou qu'a trouvé n'importe quoi. Ou qu'a trouvé Jannah. Alain crée ça, oui, non. Alain crée. Mais c'est moi qui a appliqué au temps. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est ça qui a la vie content. Quand on risque qu'on prend sa personne, de dire qui d'arrange, dire qui va aller devant les créateurs. Imagine-moi, dans les contents, ni ça. Sa robe-là fait en sorte, d'un bien cher frère, prends-lui bien cher sœur, qui jamais ne trouve figure sur papa ou sur la terre. Et vous faites, il n'est sans papa. Mais dire que ce papa, c'est fini. C'est fini, moi. Il prend les gens sans papa. Ce papa, c'est fini, il demeure. Dans le compte, on dit ça. Dans le compte, on dit ça. Oui, il est capable, disons, d'essayer d'être un goût de l'eau sur le dada, l'eau sur le tchatcha, pour moi, papa, tu carves été. Mais c'est moi, jamais trouve ce papa. Imaginons un enfant, jamais trouve ce papa. Qui les fait sa fille? Qui les fait sa fille? Nous, si nous guettons d'une façon, nous disons qu'on préfère te donner une clé familiale, tu es dans ta maman, ton papa, tu es un frère, tu es une sœur, tu es en Dieu, ensuite tu es un grand, tu es un prophète. Mais ce n'est pas principalement. Alors, on a pas ta fille, nous l'a dit de sa façon, non? Et comment nous sier encore, qui sont auquel de ça qui est arrivé, c'est ça qui a l'air décidé, et comment nous sier encore, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala pas fait sa passe par hasard, c'est que dans ce qu'on a dit, qu'on a dit, wa wajadaka yatim, ah ouais, et nous fit trouver un orphelin, un yatim, nous fit élire toi, un orphelin. La question qui posait chez le plaisir, un orphelin, c'est quoi le dîme? Connais. Si nous disons, ben frère, Inch'Allah l'autre semaine, l'exemple, hein, Inch'Allah l'autre semaine, pour un frère, pour une nîme, un petit orphelin, nous nous disons comment nous amener. Vous savez, il y a des gens qui peuvent attendre. Et qui peuvent venir, vous savez, sur l'inspire-spice. Bonnet, bonnet, ouvrité. Ce ça va décaler, là, de lui, là, qui te... Et bien, vous savez comment, un orphelin, hein. C'est ça qu'on dit à vous, ça. C'est ça qu'on dit à vous, un orphelin, il y a des gens caractéristiques là-dedans. Vous savez, il y a un orphelin, il y a un devant la porte qui ouvre, il y a un orphelin, selon vous. Il y a un orphelin. Il y a beau d'être massif, il y a un massif qui est en mobilité. Demande la clé, on va dire dans la main. Pourtant, il y a un orphelin, oui, non. Il y a un orphelin, chers frères. J'en ai pour moi. Chers frères, fais la différence entre yatim avec miskin. Yatim, c'est un orphelin, miskin, c'est un pauvre. À aucun moment, pas un djennou, un yatim, c'est un pauvre. Un djennou d'ordine, un yatim, c'est un enfant qui se bat pas finement avant de finir atteint. L'âge de la puberté, c'est tout. Il n'est pas nécessaire miskin, il n'est pas nécessaire pauvre. Demain, ce papa, quand il meurt avant d'atteindre l'âge de la puberté, ben, il est fini qu'il est encore 4 pour ces enfants-là. Ce maman, ben, il était quand vos enfants viennent grand moderne. Oui. Ce maman, quand là, ben, il était déjà une grande richesse. Et il y a un zakat, tout, il y a Timna, ben, il disait ses zakats. Allah subhanahu wa ta'ala, la surah 4, surah Nisa, il dit wa atul yatama amwalahum. Et bien, il y a dit, donne-nous notre casse, notre hack, ça donne-nous. Pour nous, ça. Chers frères et sœurs, comment nous dire, ce n'est pas un pauvre qui nous fait causer un yatim. Qui fait? Parce que quand nous venons dire, ça fait exception, qui nous vient de nous la tête, quand nous donnons un yatim, nous pouvons imaginer quelqu'un qui est pauvre. Au fait, un orphelin, c'est un quelqu'un qui paye un papa, en deux mots, il paye un quelqu'un qui a la tête des lits. Qui, comment dire, pour mettre l'eau avec lui. Vous avez senti, ça veut dire, d'autres vous diront, moi, pas de vous connaître demain. Il y a personne pour lui dire. Ça, ça. Il y a ça, il y a ça. Veut dire, pour vous menacer là, il sentit, il sent, sans défendre. Pourtant, il y a son maman, oui, non. Il y a souvent. Mais seulement de nature, un enfant quand il connaît son papa là. Ils ont dit qu'il faut. Ça, il y a des enfants, ça, c'est un enfant là. C'est ça qui n'a pas de négative. Son maman qui n'a pas un mot, malgré qu'il y a une fin de vallée, elle maman trois fois, son maman n'a pas appelé négative. Mais quand son papa m'a appelé, appelé nos félins. Quand son papa m'a appelé, elle nos félins. Chers frères, dans la loi d'une côté cause concernant un orphelin, jamais fin de nous donne ça d'accord. Ça pour nous comprendre qu'il n'est pas pauvre. Mais fin de nous, dans le rafat, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Wala tukrimuna al yatim. Wala tukrimun. Ikram. Qui veut dire ikram? Car le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim doifahu » Celui qui croit de Allah et que le jour du jugement, yukrim doifahu. Même mot, karama qui veut dire « honori, devenir valier » Ça qui vient nous faire avec un yakim et un ophélin. Si tu, quand on cause ophélin, tu te donnes gaffe, mais quand le voisin rentre, on n'a pas besoin de nous être d'accord. Mais non, nous honori de rentrer, toi assiser, non, te manger avant toi. Non, te mine contre moi. Non, nous te bisez manger quelque chose là. Nous donnons son valeur. Ça qui la loi dit, nous nous fait avec un orphelin. Quand dit, c'est quoi, chef frère? Quand qui dit, nous nous oublions l'émotion, mais d'un côté, la loi dit, peine à l'émotion là-dedans. Peine à personne capable de plus pitié pour un dimon qui c'est lui qui est crédit. Donc, alhamdulillah, on connaît qui, au fait, concernant un orphelin, c'est quoi? C'est. Façon qui honore ses enfants là. Ce n'est pas casse-là qui importe. Donc, première chose qui, alhamdoulilah, me connaît concernant nos félins, c'est qui les pénins? Les pénins, papa. Mais, il y a une maman, oui, non? Il y a une maman, chef. Mais si il y a une maman, Oksane, il vient rester. Avec son maman. Avec son maman. Chers frères et sœurs, un sahaba qui vient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait connaître qui monévé son maman, papa, il mort. Sallallahu alayhi wa sallam, j'ai un seul lui qui se maman, papa, il mot, c'est ce gars-là qui n'a plus hâte pour prendre un enfant. Ce gars-là. Il dit parce qu'il y a un gars-là pour plus prix avec une maman concernant façon qu'il peut être ses enfants. Un gars-là. Quand si nous arrivons, nous t'en disons, un yatim, nous n'êtes pas en lit là. Nous brûlons comme une étape là. Elle nous brûle compréhension. Parce qu'un yatim pour nous guetter, c'est pas l'idée de nous la case. Nous disons, on au lit. Deuxième, son maman, il n'a plus sa droit là. Troisième, si il n'a ni maman ni papa, il n'a quoi? Il n'a son cas là avant ça. Nous avons connu son cas là avant ça. Chers frères et sœurs, il n'a personne. Ça qui prend les enfants. Avant de prendre, nous avons connu est-ce qu'il a la loi d'une pierre de ça. Pour nous connu, nous retournons dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, excepté nous pouvons un devant Sahaba qui appelle Zayd ibn Harith. Radiallahu anhu, qui dit grand, dit un esclave. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient libéré, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient prendre comme un garant pour lui, il vient tirer sous son responsabilité. Il grandit, jusqu'à qui dans Madina, il commence à appeler Zayd ibn Muhammad, Zayd ibn Muhammad. Le Dieu qui a dit, je vais virer dans la case là, l'os. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient prendre. Chers frères et sœurs, dans la case, nous check sur le 33, sur l'Ahzab. Nous, qu'est-ce qui commence pour moi? Le quatrième ayat, pas le vrai, le quatrième ayat. Allah subhanahu wa ta'ala dit et par si sa bonne enfant qui part pour toi là, pas de nom. Pas tes enfants ça. Pas tes enfants ça. Au drôme ni abaïm. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, tu appelles pour nous ce papa. Oubliez les autres la loi là. Hein? Les autres la loi, c'est qui quand on prend un enfant, ou mettez-le ou non, ça, oubliez ça là. La loi dit noir sur blanc, t'as l'air maman de la case, vous verrez sur le 33, vous trouvez la loi, condition d'adoption. Quand on prend un enfant, êtes-vous qui à aucun moment n'a pas le droit de toucher quoi? Tout ce nom. Vous n'avez pas le droit de toucher ce nom du tout. Il reste avec ce surnom, Azami. Allah subhanahu wa ta'ala continue de dire. Et si tu pas comme son papa, c'est qui ça n'a? Tu as juste de dire, mais non, c'est moi qui fais mon nom. Il croit nous qu'on fait dire, il vient t'offrir d'ordine. Il vient t'offrir d'ordine. Il vient dire, tu quittes ce nom, de mettre un autre petit nom avec lui, mais de ne pas mettre de chien. Ça, c'est quelque chose qui vient finir cadré de nous la tête, ça. Qui, à aucun moment, un enfant qui me trouve l'île au chemin, mon amène ni la case, zami, impossible, il ne peut pas prendre un mot. Oh, impossible, ça peut exister. Je te parle pas ça, ce papa, mais il reste frère d'ordi. Pas de chien, non. Mettre un autre chien, non, en ligne, pour moi dire un petit nom. Si pas toi, appelle-lui Mohammed, qu'est-ce que tu vas appeler? Mais pas donner tes chien, non, parce que. Ou bien tu as ton choix pour les autres chien, tu vas lui demander une famille, c'est toi. Là. Non, il faut croire que nous sommes bidin, il reste frère d'ordi, n'est-ce pas? Ça, quand nous finissons, nous passons par l'étape première partie. Hein? Ben, l'étape première partie, c'est quoi? C'est qui, ce maman? Ensuite, si Pena maman vient calme. Là, à ce moment-là, nous deuxième partie, mais Pena Pia seul même, ok. Ah oui, qui ne te pas gagner droit, tu ne pas gagner remettre l'autre nom. Deuxième, être sûr, il grandit dans la case, n'importe quoi, il bien guette moi, chef frère, amis et enfants qui viennent être adoptés pour rendre l'héritage dans sa dynastie qu'a choqué à moi. Zami rendre l'héritage. Zami rendre mon héritage. Parce que pas famille au moins. Il n'y a pas famille au moins. Attention, quoi, on va dire, mon sapin, mon pays n'a pas enfant, même mes pilages vont arriver, mais mon grand-il, vous connaissez bien. Est-ce qu'il nous a pris ça quand il y a là? Quand Allah finit de nous connaître, il n'y a pas de côté, il ne peut jamais prendre de l'héritage. Nous n'avons pas appris ça jusqu'à ce qu'il y a là. Chers frères, être chers, ça ne prend de l'héritage. Ça, pour moi, c'est une deuxième question qui nous a connu. Troisième et quatrième petite chose qui, alhamdoulilah, nous nous a connu, chers frères, là, nous avons dit, guide l'eau. L'eau prend du fil. Nous prenons l'exemple de nous-mêmes. Mon ami est un garçon. Mon ami est un garçon. Mon adopté lui. Ok? Comment atteindre l'âge de la puberté? Bantifiquer dans mon case. Ou bien mon madame, ou bien mon maman, disait couvrir devant lui. Parce qu'il y a un étranger pour eux. Il n'y a pas qu'un mois sur la visite de la case. Mon ami est un garçon. Ban tifi qui est dans la case, ban madame qui est dans la case. Li mou madame, li mou seye, li mou maman, je ne pas gagner droit, reste tout seul avec lui. Pas dire à moi, on connaît quand il sort, il y a un pays qui a bien la guerre, ou quoi, il faut comme ça. Il n'y a pas qu'à plus qu'il y a un chevalier salam en tout cas. Qui est un chevalier salam qui m'a amené la case comme moi là? C'est à l'époque là. Non, j'ai fait. Il n'y a rien droit. Pas moi, j'ai décidé de venir pour un garçon. Nous comprenons un bon garçon. Dans la loi dit, bon mauvais, nous ne pas rentrer, nous rentrons dans la loi Allah. Chers frères et sœurs, non, on ne va pas l'amener un garçon, on l'amène une petite fille. Petite fille là, comment atteindre l'âge de la puberté, elle est obligée pour venir devant moi, pour me rendre la case. Si personne n'est pas là, soit moi, soit elle est sorti de la case. Là. Nous ne pas gagner un reste seul. Problème dans les mains, oui, non. Problème dans les mains, oui, non. En parenthèse, il y a quelqu'un qui dit moi, ben, vous connaissez, vous n'avez ni tipti, ben, vous faites mon madame de Nibro, ben, il sort de l'adoption, il rentre dans la lettre, moi. Il n'y a pas de problème, quelque chose. Ça. Si un quelqu'un amène un enfant, qu'il soit un garçon ou bien un petit fille, il fait son madame à l'aide. Ben, il n'est plus adopté à cette ville. Il vit l'allaitement. Ben, l'allaitement, vous avez le droit. Nous, qui nous fait causer, nous? Nous fait cause concernant l'adopté, là. Nous avons cause concernant l'allaitement. L'allaitement, c'est un autre la loi. Oui, si vous récitez à Amenza Kala, veut dire que Maline Vini, il n'y a pas gagné des ans, l'île boit avec vous, madame, veut dire avant qu'il vienne gagner des ans, cinq fois à monter, ok, ne pas que les enfants de terre, ça fait les deux enfants parce qu'il boit avec madame. Il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Donc ça vous clé de mon tête. Pas les pensées qui, oui, capable de venir. Comme la loi digne qui dit avant, j'ai pris. Pas que tu pour les cochons, oui, il y a des problèmes dans la guerre, je ne suis pas capable de mot, je ne peux pas faire un mot que je connais. Je ne pas faire d'informations, je ne peux pas faire de je ne peux pas faire un mot que je connais. Mais Dieu qui dit, mais Allah ne pas connaître, je ne peux pas faire de mot. Allah ne pas connaître. Ça qui ça qui a un enfant là. Ça qui ça qui a un enfant là, nous. Donc, ça qui est avec nous, chers frères et sœurs, c'est en tant qu'un croyant. Quand nous dit, nous prenons une lettre. Hein? Et d'ailleurs, comment peut-on enregistrer? Passe le message. Parce qu'il dit qu'il n'y a aucun copyright. Et ça qui nous veut dire, c'est quelqu'un qui compte carré ça, apporte mot parole, il compte carré quoi? Ah, il pour un hadith. Il compte carré, qui tu as jamais qu'un compte carré. Donc, prenez bien de nous la tête, chers frères et sœurs, nous redirons, un yatim dans l'île, c'est un gagne du béni, ce papa. Quand il dit nous qu'un yatim, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Alhamdulillah, hadith en lui. En fait, tu es pas en français, quand les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, tu montres sur le doigt ainsi, veut dire, le majeur avec l'index, il montre lui comme ça. Alhamdulillah, quoi hadith? Mais non, regarde hadith de ce texte arabe. Lydia, Anna, wa kafil ou yatim. Qui veut dire kafil? Kafil, kafala veut dire un celui qui prend la responsabilité. Il ne pas dire un celui qui met l'idée sur la case. Mon kafala prend une responsabilité, un yatim, je suis pressé, ou la polno, il a pris une mais c'est moi qui suis responsabilité. Ça qui dit Nidjan. C'est pour ça le mot qui le prophète, il ne servit. Il va ne servir aucun mot par hasard, ça prophète là. Définitivement, on ne sait pas pour voir. Allah qui me paye ça. Get aujourd'hui, Alhamdulillah, ou bien capable avant lui, s'il finit ou flippé dans aucun doute, qui colle peut dire kafil. Kafil, c'est quoi? Kafil veut dire un quelqu'un qui prend aux responsabilités. Veut dire qu'il est au kafil. Nous ne pas dire wakafa billahi. Allah suffit. Allah suffit pour moi. Veut dire qu'il est pour moi-même dans l'échelle? Non, depuis là-bas même, Allah suffit pour moi, oui non. Ça kafir. Un kafir, c'est un quelqu'un qui suffit pour moi, lui demande quelque chose qui m'a besoin, même pas devant lui. Même pas devant lui. Ça qui ressort, sallallahu alayhi wa sallam, veut dire, Anna wa kafir ou yatim, kahatin. Moi, avec celui qui vient prendre responsable, un yatim, un orphelin, dans Jannah, nous pouvons ensemble. Nous pouvons ensemble. Donc, qui m'a dit fin de servir? Un celui qui fait lui grandir sur la cage, mais un celui qui prend sa responsabilité. Il prend sa responsabilité, chef. Donc de là, comment on finit dire, un, yatim c'est quelqu'un qui perd son papa, avant d'atteindre l'âge puberté. Ensuite, c'est ce maman qui a hâte. Ce maman, aussi qui me dit de mien, c'est ce cas-là qui a hâte. Non, il n'y a aucune famille. Ok, mais qui la loi dit qui dit qu'on prend des enfants pareils. La loi dit comme suit. Un, nous ne pouvons pas gagner ensemble sur nos amis. Deuxième, ça veut dire de l'héritage pour une personne. Troisième et quatrième, si on a mis un garçon, comment on atteint l'âge puberté, comment se débrouiller à se dire. Parce que madame, elle n'a pas rien pour lui. Quatrième, si mon ami n'est pas fille. Moi, pour elle n'a pas rien pour lui, il va gagner un roi qui avec moi. Et quand nous venons dire en parenté, chers frères et sœurs, si quelqu'un peut penser, on dirait, pour donner des enfants là pour avant les gagner des ans, accepter ça la loi, la rendre de la loi, l'allaitement, et non pas la loi de l'adoption, et dernier de tout le monde qui tient, chers frères et sœurs, là, nous réduit la colère, les graves. Dans nos dînes, nous prenons un celui qui est dans l'iman, nous donnons dans la case un celui qui est dans l'iman. Ça n'est pas grave, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Quantité ou capable de ces enfants-là, un du bien de devenir sur la somme, sur l'école, sur le moment, mais seulement ça tient à l'intérieur et n'appelez pas avec sa lumière à chef. Un façon pour lui, nous pose écrit comme ça, plutôt les mots qu'il était. Inch'Allah, le bien tient à ces enfants-là. Pas mis en place. Quand il peut gagner du bien de l'union, il perdit Jannah à jamais. Ça, c'est plus grave. Donc, on nous finit, nous ne pouvons pas être pour l'émotion, excepté ce qui est la loi, Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, pour parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la loi concernant l'adoption, en tant que celui qui est dans l'iman, quand nous finit, chers frères et sœurs, nous finissons la loi là, et à ce que nous pétons, qui peut causer, nous en sommes safe, alhamdulillah, et nous capables de passer le message. Afin que la loi, Allah qui prévaloir, et non pas l'émotion, aucune personne nous a, l'osa là. Et Inch'Allah, l'autre semaine, nous continuons la troisième façon, troisième étape, troisième catégorie de intersection qui pourrait être jour qiyam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.